Comment peut-on mettre notre imagination en action si on n'arrête pas de nous fournir des images tout le temps et partout? Croire délibérément aux mensonges qu'on nous assène au quotidien. Il t'en jurait que pour être un homme fallait une gueule sur un corps de rêve. Des bras, des pecs, une queue qui ne faut qu'un vainqueur sur la corde rêve. Ne pas décevoir les anciens, vendre le miel à prix d'or. Moi je suis un chien, les poings de mon père ne m'ont rien appris d'autre. Pareil qu'un homme qui se respecte, c'est le premier à taper. C'est le premier qui se fait la belle et c'est le dernier à attraper. Ça doit faire de l'oseille, ça roule en RS. Presque au mourant parce que les mauvais sont sans lever, ça fourre en les restes. Hein? Tu les entends pas vraiment zinc. Ils disent qu'un homme qui est rampant n'en est pas vraiment zinc. Que les larmes coulent sur la joue des pédales. Puis ils te diront de remplir ta gourde d'alcool et toute la journée pédale. Pas croire la voyante qui a vu la paix dans la boule. Et qu'on peut faire d'une femme une chatte violente en lui pétant la bouche. Mal violent, face au vide capable, espérer saute. Puisqu'ils t'ont dit que faire de la cabane c'est gagner le respect des autres. Ne les entends que d'une oreille, ces tristes propos. Tu n'as besoin ni de l'oreille, ni de l'air qu'ils te proposent. Malheur, alors t'as loupé la bombe. Mon frère nique la leur, ta route est la bonne. Ne les regarde que d'un œil, ces piètres images. Tu n'as besoin ni de l'orgueil, ni leur faire presque aussi mal. Prince de la mode, tu vibres du vent roi, tu vis. Y'a que les poissons morts qui suivent le courant, toi tu vis. Je dois absolument être belle. Je dois faire de la chirurgie esthétique. Et puis je dois être super mince, célèbre, habillé à la mode. Et le temps jurait que pour être une femme, faut de la classe et la pommade. S'entraîner devant la glace, à mériter sa place, apprendre à bien passer la pommade. Qu'il faut le boule à shine, les cheveux de la pub, qu'ils disent vous rasez-vous la chatte. Et je veux de la pute, qu'à la maison le prince charmant va ménager les coups. Et que tu ne t'occuperas de lui qu'entre le ménage et les courses. Chut, tête baissée, serais-tu rêvé de s'abonner les toiles, c'est tout ce qu'il te manque. Ce rêve, on t'a dit sois bonne et tais-toi, c'est tout ce qu'il te manque. Paraît qu'une femme qui se respecte vit dans l'ombre de l'homme. Reste belle, paraît presque bête quand il montre de l'or. Baisse, perd des kilos pour lui plaire ou perd ce type. Minox c'est la guerre, à la guerre son père se tire. Voilà pourquoi la femme est faite à reculer, à pleurer. Pareil que la vie n'aime pas les faibles et qu'elle veut plus la pleurer. Qu'en France, une femme est violée toutes les deux heures. Trouvez les chiffres ou trouvez les chemises. Ne sert à rien mais sauf vous courber les chines. Ne les entends que d'une oreille, ces tristes propos. Tu n'as besoin ni de l'oreille, ni de l'air qu'ils te proposent. Malheur, alors t'as loupé la bombe. Ma sœur nique la leur, ta route est la bonne. Ne les regarde que d'un œil, ces piètres images. Tu n'as besoin ni de l'orgueil, ni leur faire presque aussi mal. Prince de la mode, tu vibres du vent roi, tu vis. Y'a que les poissons morts qui suivent le courant, toi tu vis. Les jeunes hommes de ce pays sont persuadés que les femmes sont des putes. Des choses bonnes qu'à être baisées, tabassées, qu'on doit leur chier dessus et les humilier. C'est le plus grand holocauste commercial de tous les temps. 24h sur 24, tous les jours de l'année, pour le reste de notre vie. Les puissances en place travaillent chaque minute à nous abrutir, jusqu'à notre fin. Pour nous défendre contre ce système, nous devons apprendre à lire, à stimuler notre imagination, à cultiver notre propre conscience. Ils font de toi du plancton, mais te font croire que t'es un gros poisson. Que t'as mis cap vers l'océan, mais s'ils te trimballent dans un pot flacon. Ne t'étonne pas d'un jour te réveiller dans un bocal. Ou pire, en train de flotter dans leur potage. Mais trop tard, t'es stotage, apprenti de leurs belles idées. Ça met de la merde dans tes branchies, puis ça t'ordonne de respirer. Ça devrait faire dresser les écailles comme on t'escorte. T'as planté par toi-même une de tes propres arêtes en pleine gorge. Oui, j'entends que tu parles de rêve, mais ce ne sont que des mots. C'est peut-être une question d'ego, tu ne fais que répéter ce des autres, je ne sais pas, mais s'il te plaît, gros, prétends pas savoir ce qu'est la haute mer en connaissant par cœur le monde de Nemo. T'as même plus le cran de l'admettre. Ils ont fait toi ce poisson clown depuis qu'ils t'ont fait voir les dents de la mer. Depuis tu veux toi-même t'enfermer dans un bocal. Ou pire, t'irais même sauter dans leur potage. Ils te veulent dresser, ivre, planqué comme la plupart. Blessé, triste, ventre vers la surface. Nageoire au sol en train de mendier le droit de survivre. Y'a que les poissons morts qui suivent le courant, toi tu vis. Dressé, ivre, planqué comme la plupart. Blessé, triste, ventre vers la surface. Nageoire au sol en train de mendier le droit de survivre. Y'a que les poissons morts qui suivent le courant, toi tu vis.